Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées du 1er au 3 juin dans divers pays. L'agence de presse Reuters, l'agence de presse américaine UPI, la télévision satellitaire finissent en Hong Kong de Chine, l'agence de presse Gyodo et le journal Nihongei Sinbun du Japon, le journal sénégalais Le Populaire, le homepage d'internet du Comité national d'études des états judiciaires du Congo démocratique ont rapporté que le maréchal Kim Jong-un a inspecté l'usine des équipements et matériels de sport de Pyongyang, nouvellement construite. L'agence de presse russe Tevéros a annoncé que le maréchal Kim Jong-un assistait au match d'amitié entre l'équipe de basketball Sobeksu masculin de Corée et l'équipe de basketball masculin olympique de Chine, alors que les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée ont présenté avec cette nouvelle son inspection du chantier de construction de l'usine de l'oxygène sanitaire. Le journal népalais Alphan, Léon page internet de l'Association des journalistes népalais pour l'étude des idées du Jutsu et de la politique de Sungun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont informé de son inspection du chantier de construction du complexe ophtalmologique Rugyong. Les médias chinois, du Congo démocratique et népalais ont inséré les photos du maréchal.